Écoutez, écoutez les vieux nous de la nonnette, jouent pour vous des airs de leur morvan. Nos jeunes musiciens ne sont-ils pas un maillon de la grande chaîne des sonneurs morvandiaux qui maintiendront toujours présente et vivante la musique traditionnelle? Écoutez, et vous aussi, venez danser au son de la cornemuse, de l'accordéon diatonique, des vielles, et surtout que claquent les sabots.